Amour fratricide par Max Duvesy, chapitre 1er. Le petit hameau de Saint-Géron, situé sur la baie de la Fresnaye, dans les côtes du Nord, n'est habité que par quelques familles de pêcheurs. C'est dans cette pauvre bourgade que se dressait, il y a une cinquantaine d'années, la chaumière de Pierre Guillot. Depuis de longues générations, les Guillot étaient pêcheurs et Pierre, comme ses ancêtres, vivait péniblement du produit de sa pêche. C'était un homme, dans toute l'acception du mot, et bon camarade, hardi marin, toujours prêt à voler au secours des malheureux en danger sur la grande eau traîtresse. Il était aimé de ses proches et estimé de tous ceux qui le connaissaient. 25 ans auparavant, il avait épousé Catherine, une orpheline, aînée de 7 enfants, qui ne lui avait apporté en dot que sa jeunesse et son courage. Ensemble, ils vivaient, sinon aisés, du moins heureux, et la naissance attendue d'un enfant, au début de leur union, avait semblé devoir couronner leur bonheur. Pourtant, quand Catherine avait mis au monde, le même jour, 2 jolis garçons, robustes et bien constitués, une grande consternation avait régné dans la maison. C'était une opinion bien établie dans la famille et même dans Saint-Géron, que jamais on n'avait vu deux frères vivre ensemble sous le toit d'un guillot. En effet, les vieilles gens rappelaient que par un rapprochement fatal, chaque fois que l'épouse d'un guillot avait donné le jour à un deuxième enfant mâle, toujours cette naissance avait été suivie de douloureux événements. Rien, cependant, cette fois-ci, n'avait paru devoir confirmer cette tradition et petit à petit, le pêcheur et sa femme oublièrent la terreur qui les avait assaillis à la venue de leur fils. Les jumeaux portaient les noms d'Erwan et de Yo. Ils venaient d'atteindre leur 23e année quand commence cette histoire. Très grands tous les deux, très forts et très musclés, larges d'épaules, les cheveux d'un blond roux, les yeux bleus et vifs, le front hardi, c'étaient deux beaux types de bretons chez lesquels on retrouvait toutes les qualités physiques de la race. Quoiqu'ils se ressemblassent d'une façon frappante, leur caractère était diamétralement opposé. Erwan était gai, vif et alerte, il avait sans cesse le mot pour rire et en toutes circonstances prenait le bon côté des choses. Yann, au contraire, était sombre et taciturne. Tout jeune, il s'était fait remarquer par ses allures singulières, par ses longues rêvasseries, par son désir de solitude, et cette disposition à la mélancolie n'avait fait qu'augmenter avec l'âge. Cette grande différence morale entre les deux frères n'avait pas arrêté leur mutuelle tendresse. Au contraire, chacun dans la contrée les citait comme étant le plus bel exemple d'amitié fraternelle. Erwan sacrifiait à son frère les divertissements bruyants qu'il attirait, et Yann s'efforçait de rire et de s'amuser pour ne pas priver son besson d'une partie de plaisir où celui-ci n'eût pas été sans lui. La demeure des Guillot, située à droite de Saint-Géron, était presque en dehors du village. Élevée à mi-côte, c'était une vieille bâtisse au toit de chaume, aux murs effrités, dont la façade, tournée vers la mer, permettait aux habitants de contempler sans trêve l'immense étendue d'eau mouvante, aux reflets miroitants gris ou bleus, sur le temps ou les heures, au murmure indéfini, et qui, dans le lointain, se confondait avec l'azur du ciel. Du seuil de la porte, on apercevait aussi, suivant le pied des blanches falaises, le long ruban sinueux des grèves sombres, où les rochers et les écueils pointus dressaient leurs crêtes brunes, que la mer en écumant couronnait de mousse. Derrière l'habitation des Guillot et séparée d'elle par une longue bande de terrain inculte, une petite masure s'abritait frileusement, eût-on dit, sous l'épais feuillage de 3 grands chênes pressés contre ses murs et qui semblaient vouloir l'écraser de leur force. Une jeune fille occupait seule cette misérable bicoque. Anaïque Brunec était encore bien jeune quand ses parents moururent. Son père, un pêcheur comme Pierre Guillot, périt dans une tempête et sa mère en ressentit un si violent chagrin qu'elle ne lui survécut que peu de temps. L'enfant resta donc seul, ou presque seul du moins. Une vieille cousine de son père la recueillit. La famille était très pauvre et sa charité envers l'orpheline avait l'intérêt pour but. Elle se servit de la petite comme d'une servante, ne la nourrissant que de quelques croûtes de pain souvent dures, et lui demandant en revanche une somme de travail très importante pour une enfant si jeune. Anaïque poussa cependant, comme poussent les fleurs des champs, sans qu'aucune main attentive le soignait. Quand la fillette eut 7 ans, la vieille l'envoya sur les grèves, à marée basse, pour y ramasser des moules ou y pêcher des crabes. armé d'un crochet, un naïque partait, les pieds nus, les jupes retroussées, la houe sur le dos ou le panier au bras, explorer les rochers implantés dans le sable depuis des siècles dans un désordre pittoresque. À ce rude labeur, car le métier de pêcheur de crabes est dur pour les jeunes enfants, les petites mains d'Anaïk s'étaient souvent meurtries et déchirées, et bien des fois aussi en voulant descendre dans le creux des roches pour y sonder les crevasses, ses pieds glissèrent sous la surface abrupte des pierres couvertes d'herbes gluantes. C'est dans une de ces circonstances qu'Anaïk rencontra les frères Guillot, alors âgés de 12 ans. En voulant harponner un crabe, la fillette, qui se trouvait debout sur un écueil, perdit l'équilibre et tomba si malencontreusement que sa tête porta sous la saillie aiguë d'une arête de roc. La douleur fut si vive qu'elle perdit connaissance. La mer montait, et Anaïk aurait infailliblement péri si sa bonne étoile, ou peut-être sa mère, qui veillait sur elle du haut du ciel, n'eût justement amené les jumeaux vers cette partie des grèves. Les deux frères, le pantalon retroussé jusqu'au-dessus des genoux, cherchaient des coquillages. Erwan, toujours plus remuant, marchait en avant. Ce fut lui qui découvrit l'enfant étendu, inanimé, au fond d'une coulée profonde entre deux rochers. Descendre pour lui porter secours, la prendre dans ses bras, et avec l'aide de son frère qui l'avait appelé, la mettre en lieu sûr, ce fut l'affaire de quelques minutes et bientôt les jeunes garçons eurent la joie de voir Anaïk ouvrir les yeux. De cette dramatique rencontre, les trois enfants gardèrent toujours le souvenir. Erwan et Yann, heureux et fiers de l'important rôle qu'ils avaient joué ce jour-là, se plurent, par la suite, à protéger et à défendre la petite fille qui, de son côté, n'oublia jamais qu'elle leur devait la vie. Dans sa triste existence d'abandonnée, Anaïk n'avait jamais connu la tendresse. Chez les gens qui l'entouraient, elle devinait plutôt un sentiment de pitié que de sympathie. On la plaignait, on ne lui eut point fait de mal, mais nul ne songeait à dépasser à son égard cette bienveillante indifférence. Nul ne se disait que l'humble enfant craintif était bien seul et bien abandonné, que son jeune cœur n'avait personne pour satisfaire ce besoin d'expansion qui est inné chez tous. Personne. Seul. Seul, surtout à l'âge où les caresses d'une mère sont aussi nécessaires que le pain quotidien. Et toute petite, repliée sur elle-même, sans une main tendue vers elle, sans une parole pour la réconforter, laisse-les grandissait, effrayée, sauvage, dans cette absence de sympathie. Sa rencontre avec les frères Guillot fut donc pour elle tout un événement, et quand elle les eut revus plusieurs fois, elle chercha le plus possible à se rapprocher d'eux. Elle les aima d'une tendresse de petite sœur, craintive et admirative à la fois, déversant sur eux tout le trop-plein de son cœur comprimé. Étrange destinée qui la poussait vers eux pour leur malheur et pour le sien. Les jumeaux rendirent à la fillette la vive amitié qu'ils lui avaient inspirée, et entre ces trois braves enfants, un doux lien se forma, que les années ne firent que resserrer davantage, si bien que petit à petit, et presque à leur insu, un sentiment plus tendre se fit jour dans le cœur des deux frères. Ils aimèrent d'amour la compagne de leur jeu. Mais ils l'aimèrent, chacun selon son tempérament. Erwan mit dans sa passion tout ce qu'il avait de fort, de noble, de puissant en lui. Il aima un homme énergique qui ne voit pas seulement de la femme l'être de grâce et de tentation, l'être faible à protéger et à défendre, dont la faiblesse même excite les désirs, mais aussi celle qui doit être la vaillante et dévouée compagne de l'existence. La mère de nombreux enfants, la vraie force du foyer, celle dont on aime à presser la main dans les jours de malheur, parce qu'à son contact, on sent son énergie s'accroître de toute la sienne à elle. L'amour de Yann était tout différent. Dans son âme inquiète et tourmentée, il y avait plus de passion maladive, plus de fougue irraisonnée, plus de désir charnel que de véritables sentiments. Et parfois, quand il se trouvait en présence d'Anaïk, il avait peine à surmonter le besoin impétueux qu'il éprouvait de l'emporter et de la faire sienne sur l'heure. Entre ces deux hommes, qu'il aimait profondément, chacun à sa manière, le cœur de la jeune fille avait choisi, et sans que de longues phrases eussent eu besoin d'être dites, Erwan savait qu'il était l'élu, l'ami cher préféré entre tous. Néanmoins, l'orpheline se gardait bien de faire mépris des sentiments de Yann. Elle prenait soin de ne laisser rien paraître qui pût lui porter ombrage. Elle s'attachait même à faire ressortir en toute occasion la vive affection de sœur qu'elle ressentait pour lui, appuyant particulièrement sur cette qualification comme pour bien le pénétrer de ne point chercher à obtenir d'elle un titre plus doux qu'elle lui eût refusé. Mais ses efforts ne semblaient pas être couronnés de succès, et maintenant elle se sentait gênée par les regards hardis et désinvoltes du jeune homme, par la façon dont il lui pressait la main, par la petite lueur étrange qui brillait dans ses prunelles et lui faisait tourner la tête, par ce frisson surtout dont elle le sentait secouée en sa présence.